Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Bienvenue dans cet épisode de Copie non conforme où l'on va retrouver en premier titre la chanson Kingston Town, rendue célèbre par UB14. Le créateur du titre était Lord Creator en 1970. Kingston Town. Oh. Forme. The Carnival is Over est une chanson de The Seekers, reprise par Nick Cave and the Bad Seeds en 1986. My tears are falling red.

like a strike. They damned you. Copie non conforme. On clôture cet épisode de Copie non conforme avec un hit des années 60 de Dusty Springfield qui s'intitule I Only Want to Be With You. La cover est interprétée par le premier groupe de Annie Lennox et David A. Stewart, autrement dit Eurythmics, qui se nommait The Tourist et qui a enregistré la chanson en 1979. I just wanna be this. vous a plu? Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !